Comment ne pas sentir la parenté profonde de ces esprits? Comment ne pas voir qu'ils se regroupent autour d'un lieu privilégié et amer où l'espérance n'a plus de place? Je veux que tout me soit expliqué ou rien. Et la raison est impuissante devant ce cri du cœur. L'esprit, éveillé par cette exigence, cherche et ne trouve que contradiction et déraisonnement. Ce que je ne comprends pas est sans raison. Le monde est peuplé de ces irrationnels. À lui seul, dont je ne comprends pas la signification unique, il n'est qu'un immense irrationnel. Pouvoir dire une seule fois « cela est clair » et tout serait sauvé. Mais ces hommes à l'envi proclament que rien n'est clair, tout est chaos, que l'homme garde seulement sa clairvoyance et la connaissance précise des murs qui l'entourent. Toutes ces expériences concordent et se recoupent. L'esprit, arrivé aux confins, doit porter un jugement et choisir ses conclusions. Là se place le suicide et la réponse. Mais je veux inverser l'ordre de la recherche et partir de l'aventure intelligente pour revenir au geste quotidien. Les expériences ici évoquées sont nées dans le désert, qu'il ne faut point quitter. Du moins, faut-il savoir jusqu'où elles sont parvenues. À ce point de son effort, l'homme se trouve devant l'irrationnel. Il sent en lui son désir de bonheur et de raison. L'absurde naît de cette confrontation entre l'appel humain et le silence déraisonnable du monde. C'est cela qu'il ne faut pas oublier. C'est à cela qu'il faut se cramponner parce que toute la conséquence d'une vie peut en être. L'irrationnel, la nostalgie humaine et l'absurde qui surgit de leur tête-à-tête, voici les trois personnages du drame qui doit nécessairement finir avec toute la logique dont une existence est capable.